était au blanc à 10h du matin. C'était un jour sans, comme hier, comme demain. Quand je découvris dans une bouche de métro, je n'étais qu'une souris dans un champ de mulots. J'en pâtissais peu, je peux dire que j'endormais dans le blanc des yeux, pas le blanc du troquet. Tu me l'aurais soufflé, t'aurais goûté mes poings, puis j'aurais pleuré de n'avoir que demain. Je me piquais au rouge, pas celui du drapeau. Quand le plafond bouge, on prépare son caveau. La question s'emballe, comment crois-tu mon brave toucher les étoiles quand t'habites à la cave. Je serais mort comme un ange, le déluge était proche. Un zeste de louange dans un verre de reproche. Tu me l'aurais soufflé, t'aurais goûté mes poings, et j'aurais pleuré de n'avoir que demain. Une cité tordue, la gueule en jachère, comme des enfants perdus. Fille de politesse, dis bonjour au malfrat. La suite dépend du reste, le reste du combat. Quand y a plus de pétrole, les idéaux carburent, les valtailles en bagnole, qui retournent en pâture. Retrouvons l'exutoire avec nos quatre mains. Au royaume des bavards, les muets sont souverains.